Genèse chapitre 14. Or il arriva du temps d'Enraphel, roi de Sinar, d'Arjok, roi d'Elazar, de Chedorlaomé, roi d'Élam, et de Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsa, roi de Gomorre, et contre Sinab, roi d'Adma, et contre Sémébé, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Ils avaient été asservis 12 ans à Chedorlaomé, mais au 13e ils s'étaient révoltés. À la 14e année donc Chedorlaomé vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils bâtirent les Rephaïm en Astéroth de Carnaïm, et les Usins en Ham, et les Ébins dans la plaine de Kirjatagim, et les Oriens dans leurs montagnes de Seir, jusqu'aux campagnes de Paran, au-dessus du désert. Puis ils retournèrent, et vinrent à An de Mispa, qui est Cadet, et ils frappèrent tout le pays des Amalécites, et des Amoréens qui habitaient dans Zatsat son Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent, et rangèrent leurs troupes contre eux dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire, contre Chedorlaomé, roi d'Élam, et contre Tidal, roi des nations, et contre Enraphel, roi de Sinar, et contre Arjok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. Or la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui étaient demeurés de reste, s'enfuirent en la montagne. Ils prirent donc toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et tous leurs vivres, puis ils se retirèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome, et tout son bien, puis ils s'en allèrent. Et quelqu'un qui était échappé en vint avertir Abraham, hébreu, qui demeurait dans les plaines de Mamré, amoréen, frère d'Escol et frère de Hané, qui avait fait alliance avec Abraham. Quand donc Abraham eut appris que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 de ses serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit ses rois jusqu'à Dan, et ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit, et les poursuivit jusqu'à Obar, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien qu'ils avaient pris, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Et le roi de Sodome s'en alla au-devant de lui, comme il s'en retournait après la défaite de Chedorlaomé, et des rois qui étaient avec lui, en la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchizédek aussi, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu fort, souverain, et il le bénit, en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre. Et loué soit le Dieu fort, souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, « Si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu'à une courroie de soulier, afin que tu ne dises point, j'ai enrichi Abraham. J'accepte seulement ce que les jeunes gens ont mangé, et la part des hommes qui sont venus avec moi, Hané, Escol et Mamré, qui prendront leur part. »